arrive en prison des ports. Bienvenue à Old Trafford. C'est la Hagra qui fait l'homme, la porcherie qui fait le port. Gros Tarba qui joue le Stars qui sous Belfort. Tellement mauvais que les lyrics sortent de l'hosto. J'ai le virus qui se cache derrière chaque côte posto. Infréquentable, c'est dur, c'est vrai. Le deal, le rap, je l'ai fait, je le ferai. On compare pas Crocop à Vincent McDoom. C'est Floyd Mayweather face à Brahim Asloum. À chaque feuille blanche, ça lit par l'hostilité de mon âme. Je deviens un poète infirme à la rime infâme. Insoumis face à tous, boy, je trip sale dans mon ego. C'est pour les Renoir, les Rabza, les Hugo. Debout gros, la vie est une chaîne qui nous quittera. On baisse et demi mou Sinatra. Moi c'est le bal des insoumis, ceux qui orchestrent la rage. Concerto pour les thugs, la mélodie de l'asphalte. La couleur du goudron, tu me colles au cul et des avantages. Ce visage meurtri par le temps, mes homonymes et la rage. Au sein de cette pute qu'est la street, j'aurais pu prendre du grade. Adepte est prise dans le fret, dans les coins sombres et crades. La faucheuse est une pucelle face au marmot du ciment. Y'a autant de risques de se faire puter pareil que par les potes d'enfance. Leur sang camoufle, l'odeur du délit nous pousse au déni. Le diable du shot est génocide entre overdose et homicide. Mais qui te parle de test ou putain de merde de banlieue. Ils déplaisent sur tes corps et entachent leurs yeux. Baisse-les, comment la rachaille, tue-moi cette picaille. Quand le fond qui braille, on sait pourquoi ça défouraille. Beaucoup de putains parlent, mais ont une tête de sang. Entre 8-9, ceux qui nous doivent seront étalés sur ciment. Moi j'aime pas des insoumis, besoin de personne. Je reconnais les deux Funky Piano. Si le rap est taille, on est les fossoyeurs. Funky P, toujours debout, à remettre les pendules à l'air. Moi j'aime pas des insoumis, besoin de personne. Je reconnais les deux Funky Piano. Si le rap est taille, on est les fossoyeurs. Funky P, toujours debout, à remettre les pendules à l'heure. C'est le bal des insoumis, paraît que le rap est mort ici. Ma gueule, le col du vice, c'est le cash et la devise. Déséquilibré dans le vide, mon équipe, la rage au bide. On baïonne ceux qui parlent trop. Le rap, la voix du peuple gros. Au mic, Funky Piano, un super héros. Sous le préau, dans le trou, taf dur, sort les fers du trou. J'convoque la rébellion, jeunesse sous soumission. Je demande qu'on m'écoute sur un beat fort qui déroule. Hey, poteau, j'ai poussé dans la cage avec les frôlots. Le rap est mort, j'écris, agonise, on t'en écrit. Finir loin d'ici, rap de luxe, on audit. Insoumis, mon père m'a dit, A.N. tel fils béni, t'es en exil ici. Prends ton cash, pense au pays. Le rap est mort, appelle hausse, le flow coule à ma sauce. On fit avec les sauces, alors kiffe les beaux gosses. Insoumis, depuis ma tour, tous nos projets tournent en boucle. Paraît que le rap est mort, non, il s'est juste assoupi. KB pose des soupirs, parfume le rap à la soupline. J'suis insoumis, insoumis, ouais, face à tout c'est pourri. Les portes vont s'ouvrir, dis-leur j'suis pas là pour rire. Et les proches veulent que j'perce, écoute les vers que j'verse. Pour mes frères qu'ont la vie sévère, avec le moral dans les converses. On terre des gros sons, ouais, on fait ce qu'on sait faire. Dans cette vie précaire, on progresse, on persévère. Rends ces versets comme tu veux, j'rappe au bal des insoumis. Posé fier et sérieux, même quand le diable nous sourit. Et je rappe sans répit, l'encre coule de ma rétine. C'est la vie et ses aléas, mes proches m'avaient averti. C'est Funky Piano, du mic à la prod. Pas la tête dans le panneau, j'ai mes histoires dans mon iPod. DCL, ICK, on est avide et pas assouvi. Je suis insoumis, encore un son pour la famille. Moi j'ai le bal des insoumis, besoin de personne. Je reconnais les deux Funky Piano. Si le rap est taille, on est les fossoyeurs. Funky P, toujours debout, à remettre les pendules à l'air. Moi j'ai le bal des insoumis, besoin de personne. Tu reconnais les deux Funky Piano. Si le rap est taille, on est les fossoyeurs. Funky P, toujours debout, à remettre les pendules à l'heure.